A. N. G. A. A. N. I. M. E. C'est la fête ce soir. On est tous à l'épita. On va célébrer les animes. Et on va tous gueuler. Ouh, ouh, ouh, ouh. Crosse, crosse, crosse, crosse. Sangoku il sera là. Et Kenshin il sera aussi. Ainsi que tous les Pokémon. Sans oublier Utena et Ranma. Y'a Xor et compagnie. Et puis Yu-Gi-Oh aussi. Sans parler de Capitaine Flamme. Ils seront tous allés. Pita! Nippon Spirit. Qui a Nipsoni ses techniques. Que pour 3 jours dans un week-end de juin. On le transforme en ouf, ouf, ouf, ouf. Passe, passe, passe, passe. Go! Sakura elle sera là. Et c'est leur moon aussi. Ainsi que tous les Digimon. Sans oublier l'auto, c'est pas la mort. Y'a Krimi et compagnie. Et puis Goldorak aussi. Sans parler de Captain Tsubasa. Moi je kiffe cette convention. Kimochi. Regardez, je vois Lupin. Yatta. Et moi je vois Albator. Yatta. Et moi je vois rien du tout. Baka baka. N'enlève ton costume de Totoro. C'est la fête ce soir. On est tous à l'épita. On va célébrer les animes. Et on va tous gueuler. Ouh, ouh, ouh, ouh. Crosse, crosse, crosse, crosse. Itaï. Là-bas je vois Beltani, la princesse Mononoke, ainsi que la Digicalate. Sans oublier Macross et Pimusclore. Il y a Max et compagnie. Et Nicky Larson aussi. Sans parler de l'équipe de Goto One. Moi je kiffe cette convention. Kimochi. Y'a Flywee qui sera là. Et Terry Bogard aussi. Ainsi que toute l'équipe de Street Fighter. Sans oublier Lina et Pinatia. Y'a Sherlock et compagnie. Et Mazinger Z aussi. Sans parler de Max le fou. Ben quoi. On sera tous allés. Pita. M. G. A. A. M. I. M. E. Thank you.